Oh, Silvia, Silvia, Silvia. Buena, buena. Cane, cane, to. Cane, cane, to. Olingi na bambu na yo. Olingi na bambu na yo. Wanga bambu na pari. Allez-y, et allez-y, et allez-y, et allez-y. Petit de canneton, allez-y, canneton, allez-y, petit de canneton, allez-y. Canneton, c'est dit de canneton. Canneton, c'est dit de canneton. Canneton, Olingi na bambu na yo. Olingi na bambu na yo. Wanga bambu na pari. Palula, palula. Benjamin,